asphalte. C'est asphalte. Direct de la sphère radio. C'est la sphère. C'est bonne vibe. Reste à l'écoute. Relax. Le morceau s'appelle pas de stress. Alors relax, yo. Y'a beaucoup de gens qui stressent dans la life. Ils se prennent vraiment la tête pour rien. Aucune raison de t'en faire. L'ambiance est à la cool ici. Peu importe qui tu es, tu viens. Bienvenue dans mon univers. C'est la sphère. Spectaculaire, extraordinaire, c'est bon ça. C'est pour que ton cœur s'accélère. On se trompe pas quand on le fait pour le délire. Si les autres veulent nous salir, j'ai des phases à t'en faire pâlir. Mais je suis un mec poli. Tu peux même écouter mon skeut sans mettre les gosses au lit. Je ne fais pas partie de ces MC qui râlent et qui marchent au bluff. Je fais du rap véritable et pour le faire, je bosse. Je le fais pour mes proches, pour les amis, des proches. Déjà des années passées sans penser à mes poches. À mes poches, yo, elles sont vides. Vite comme la tête d'un mec fonce des à la weed. Beaucoup se lamentent, disent que la vie est trop speed. Mais perdre son temps, non, c'est vraiment trop stupide. J'ai pas appris grand chose en restant seul chez moi. La dépression est bas quand c'est ton seul schéma. Y'a pas de stress, dis-toi que la vie est belle mon gars. Y'a pas de stress, j'fais comme si il n'existait pas. Pas de stress, y'a d'amour et c'est ça que je vois. Mais pas de stress, pas de problème entre toi et moi. Y'a pas de stress, dis-toi que la vie est belle mon gars. Y'a pas de stress, j'fais comme si il n'existait pas. Y'a pas de stress, y'a d'amour et c'est ça que je vois. Mais pas de stress, pas de problème entre toi et moi. Car mon rap est groovy, il fait vibrer ta case. J'te parle d'amour sur un beat sauvage. J'aime le décalage, viser, briser les cages. J'aimerais libérer le hip-hop de sa prise d'otage. Mais je suis peace and love. C'est pas un scoop et c'est pas dans la coupe que j'innove. Que j'en bling bling et sans artifice, j'fais mes preuves comme Bouddha. Au mic, j'fais le full egg. Les gens commencent à se demander ce que j'fous là. J'fous la pagaille sur scène, ça fait un bail. J'ai rappé chez les Khmers et même rappé chez les Thaïs. J'le fais pour partager, surtout pas pour saccager. Dans le dos, j'ai le bagage qui fait qu'aujourd'hui j'ai ma carte à jouer. J'laisse les habitudes aux autres. Les cages, bras aux bandits. La pêche brandit pour finir grandi comme Gandhi. J'exalte les âmes, c'est exact. Et je le fais sur un battement de JLC asphalte au mic. Y'a pas de stress, dis-toi que la vie est belle, mon gars. Y'a pas de stress, j'fais comme si il n'existait pas. Pas de stress, y'a d'amour et c'est ça que je vois. Mais pas de stress, pas de problème entre toi et moi. Y'a pas de stress, dis-toi que la vie est belle, mon gars. Y'a pas de stress, j'fais comme si il n'existait pas. Y'a pas de stress, y'a d'amour et c'est ça que je vois. Mais pas de stress, pas de problème entre toi et moi. Y'a pas de stress, y'a comme ça que les choses se passent. Y'a mon oncle Sam, y'a J.N. Asphalte, y'a je de la sphère, c'est comme ça, hein. Ça se passe, y'a tranquille, y'a je pas de stress, c'est comme ça, y'a comme ça, y'a pas de stress, non, y'a pas de stress, y'a.